106.3 FPP, la jungle des luttes. Vous êtes donc avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est ensemble comme tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30, et donc retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Vous pouvez également écouter nos émissions sur un blog, le blog La Jungle des Luttes. Donc, je crois qu'il y a quelque temps qu'on n'a pas actualisé, mais les dernières, vous pouvez les trouver sur le site du CSPCL, donc cspcl.ouvraton.org. Donc là, vous avez plein d'informations. Et donc, justement, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, il y a des informations sur le Mexique, et pas seulement, mais notamment donc, au Mexique, les zapatistes, mais aussi le Congrès national indigène, et tous les ponts qu'il peut y avoir entre les luttes, ce qui est donc aussi un peu l'objet de la jungle des luttes, notre programme de radio qui essaye un peu de faire des ponts entre les luttes au gré des rencontres du comité. Donc, selon... selon nos activités, on rencontre des personnes et on parle de luttes qui sont ici, ailleurs ou plus loin. Et donc aujourd'hui, on va être avec Malo qui a participé à cette caravane de solidarité avec les peuples en résistance de Gaza. Donc cette caravane qui est partie au mois de juin dernier, donc il y a peu de temps, qui a été bloquée. Donc du coup, elle va nous raconter un peu le contexte de cette marche, de ce qui s'est passé, de comment elle s'est organisée, ce qui a été vécu aussi au cours de cette caravane, puisque c'était plus d'une dizaine de cars, et finalement vous êtes parti de Tunisie, et donc finalement bloqué. Non, vous n'êtes pas. Le convoi à Wawa. Voilà. Voilà. Et puis donc, du coup, il y a eu plusieurs pays, plusieurs personnes, plusieurs organisations qui ont essayé donc de rompre ce blocus. Donc elle nous en fera le récit. Et donc une fois bloqué en Égypte, donc vous êtes resté certains et vous avez pu faire d'autres choses du coup. Et donc on va donc être avec Malo dans cette première partie d'émission. On sera ensuite avec Boris qui nous parlera un petit peu de ses tentatives de convergence des luttes, qui fait partie un peu de ce qu'on doit faire aujourd'hui pour essayer d'avancer, de construire un nouveau monde pour toutes et tous. Et donc ça résonne aussi donc justement avec les zapatistes qui donc depuis 30 ans, puisqu'ils se sont soulevés en 94, ont proposé d'organiser un autre monde, enfin de travailler ensemble à un autre monde. Un autre monde est possible si on s'en rappelle, et donc il est toujours possible à nous de le construire, toujours et encore. On sera ensuite avec ce qu'on a proposé. On a annulé un programme, pour ceux qu'on avait entendu parler, on avait proposé un week-end qu'on a dû annuler à la parole errante, et donc on a quand même garder une partie de ce programme, à savoir l'inauguration du bus de Samir. Samir, un compañero du Mexique qui a été assassiné pour avoir notamment porté la parole de peuple en résistance contre un de ses grands projets, comme il y a par centaines au Mexique et aussi ici. Et donc voilà, du coup, il y a un buste à la parole errante, donc à Montreuil, qui est maintenant installé. Et donc, on l'a inauguré au mois de juin. Et donc, ce sera les paroles de cette inauguration et la chorale qui nous a accompagnés pour ce moment-là. Et donc, on finira avec ça. Et je voudrais juste aussi vous parler de... l'année dernière, on a parlé de remise à flot, de la péniche raffine, de ce réseau de producteurs et consommateurs qui donc sont en lien une fois par an pour une commande annuelle de produits. Et donc, il faut transporter ces vivres jusqu'au consommateur. Et donc, il y a ce transport fluvial qui est une belle opportunité. Et donc, il y avait l'achat de la péniche raffine qui avait été notre défi de l'an dernier. Et donc, cette année, il y a un autre défi. Donc, voilà, remise à flot continue avec cette commande. Rafio, l'association Rafio, qui donc, elle, remise à flot... à créer pour pouvoir gérer cette question du transport et donc notamment acheter cette péniche raffine. Bon ben voilà, maintenant ça va être le souci justement de pouvoir acheminer les produits, puisque le transport fluvial, c'est notamment sur des canaux qui permettent de relier des fleuves, et donc tout un réseau de canaux très riche en France qui malheureusement n'est pas entretenu, on en avait parlé. Donc, peut-être tellement pas entretenu que du coup, il faut ensuite faire des gros travaux, ce qui oblige des fermetures, comme notamment actuellement, justement, dans le réseau Nord-Sud. Là, il n'y a plus beaucoup de connexions. Il y a un grand nombre de canaux fermés. Donc, si jamais vous voulez éventuellement vous intéresser, suivre, soutenir ou donner des informations et puis vous mobiliser, vous pouvez éventuellement écrire à Le Gouvernail de RAF. Donc, tout attaché, Le Gouvernail de RAF, RAF. Comme remise à flot, RAF, donc le gouvernail de RAF, @gmail.com. Donc voilà, si vous voulez les soutenir, puisque du coup, il faut essayer de se mobiliser pour des réouvertures, puisque ça bloque bah, pas seulement Séraphine, hein, la péniche de notre séjour, mais d'autres petits artisans ou petites entreprises qui utilisent ces canaux pour transporter des matériaux ou de la marchandise, même si c'est quelque chose de marginal. La politique actuelle fait que précisément, il n'y a pas de valorisation de ce transport qui bouffe beaucoup moins d'énergie que le tout routier, ce qui est en France l'un des vices. Et donc, on n'utilise malheureusement pas ces canaux. Donc, il faut se mobiliser. Il y a pas mal de mobilisation contre les grands travaux qu'ils veulent faire pour effectivement faire passer des gros, gros gabarits et justement abandonner tous ces petits canaux qui sont faits pour des petits gabarits comme Séraphine, même si c'est un gros bateau par rapport à... Enfin voilà, malheureusement, justement, elle ne peut quand même pas passer sur ces petits canaux si ce n'est pas entretenu. Mais donc voilà, du coup, le gouvernail de RAF, en tout attaché, @gmail.com. Donc ben voilà, du coup, on fait une petite pause musicale et on va partir en solidarité avec Gaza, de loin et présentement. 106.3 FPP, la jungle des luttes, musique. Les masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes combattantes font face à l'une des dernières entités de colonisation de peuplement. Faisons confiance aux masses populaires et à leurs diverses expressions de lutte qui, comme nous le voyons aujourd'hui, s'affirment de plus en plus avec l'aggravation de la crise un peu partout dans le monde, du Moyen-Orient à l'Afrique et au Sud-Est asiatique, de l'Europe aux Antilles et à l'Amérique du Sud. Depuis quand défendre sa terre c'est mal? Depuis quand être de gauche empêche les postures coloniales? Rien à foutre de ton drapeau colon. Comme dirait Fanon, y'a que la violence qui te ramène à la raison. Qui détruit les maisons, bombarde des villes, bombe au phosphore contre lance-pierre à billes. Qui pratique l'apartheid envers arabe et falacha? Citoyens de seconde zone de Tel Aviv à Ramallah. Démocratie raciste, rempart de l'Occident. Depuis quand les persécutés sont devenus blancs? J'entends Gaza, les bombardements. J'attends Israël, une bombe à retardement. Décolonisons, il ne peut en être autrement. Depuis quand les opprimés se rebellent gentiment? Quant à Georges Abdallah ou au frère Camara, 30 ans, 15 et 12 ans pour une vengeance d'État. Je suis Georges Abdallah, le peuple qui gueule à Ramallah. En Cisjordanie, je marche en bande comme à Gaza. Résistance, Kassam, Pierre, Intifada. J'écris que mon liberté, liberta, Ouléa. Je suis le sang répandu sur les champs d'olivier, un point levé, des années de dignité. La Nakba plus durcie, on n'oublie pas. Libéré Georges Abdallah, Palestine vaincra. 31 ans d'enfermement, ça suffit pas. Apparemment, c'est pas assez comme châtiment. Chantage au reniement, prison loin du Liban. Prisonnier politique, je suis un résistant. Ils te disent que c'était par la Palestine. C'est bizarre, c'est tordu, forcément c'est confus. Sous-entendent que t'es antisémite, mais comme Gaza, je ne m'avouerai jamais vaincu. 500 enfants massacrés, ça suffit pas. C'est passé, la résistance ne faiblit pas. Encore combien d'années à payer pour l'Occident? Les pogroms et ces millions de décès. La paix négociée sur les cadavres et la raison. Boycott, apartheid et la colonisation. Ils le créent, le choc des civilisations. De la Knesset au Capitole, c'est la parole des faucons. Je suis Georges Abdallah, le peuple qui gueule à Ramallah. En Cisjordanie, je marche en bande comme à Gaza. Résistance, Kassam, Pierre, Intifada. J'écris que mon liberté, liberta, Ouléa. Je suis le sang répandu sur les champs d'olivier, un point levé, des années de dignité. La Nakba plus durcie, on n'oublie pas. Libéré Georges Abdallah, Palestine vaincra. Face au climat délétère d'oppression et des manipulations, la solidarité s'avère pour ce qu'elle est, une arme indispensable pour tous ceux et celles qui résistent et refusent de se renier. Abat l'impérialisme, c'est Gilles Garcia. sionistes et leurs complices réactionnaires arabes. Honneur aux martyrs, aux peuples en lutte, ensemble camarades, nous vaincrons. 106.3 FPP, vous êtes toujours la jungle, enfin avec la jungle des luttes proposée par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Je vous ai pas dit tout à l'heure, donc si vous voulez nous retrouver, on se réunit à présent plus que le premier mercredi du mois à 20h dans les locaux du CICP maintenant, puisque les locaux de la CNT sont en travaux. Donc le CICP, c'est 21 Terre rue Voltaire dans le 11e à Paris. C'est une assemblée ouverte, donc là c'est l'été, ça va être relâche, puisque celle du mois de juillet on l'a maintenue, mais c'est le premier mercredi du mois, donc voilà, c'est passé. Au mois d'août on n'est pas là, mais dès le mois de septembre, si vous voulez nous retrouver, vous pourrez donc premier mercredi du mois à 20h. C'est une assemblée ouverte et donc on y parle selon justement les personnes qui viennent par curiosité de passage ou pour peut-être rester avec nous et continuer à travailler à de la solidarité, de créer des ponts. Justement, c'est comme ça qu'on a rencontré Malo, grâce à ce lien qu'il y a eu avec les apatistes. Et donc, du coup, on a su que tu étais parti dans cette aventure. Et donc, on est très content que tu puisses nous faire ce récit pour avoir justement un petit moment pour nous parler de Gaza, puisque justement, malheureusement, on se sent assez impuissant. Et donc, au moins des tentatives qui racontent que ces personnes, on ne les oublie pas et on est là du mieux qu'on peut, selon nos possibilités. Merci à toi d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir aussi. Je pense que c'est important parce que, comme tu le dis, on se sent hyper démunis. En fait, c'était quand même une grosse tentative qui nous a fait un peu sortir de notre impuissance et de notre inactivité. Donc, je pense que c'est bien aussi d'en parler. Et aussi de revenir un peu sur le contexte des derniers mois, même si je pense qu'on est un peu tous au courant de la situation. Mais du coup, depuis mars, Israël a repris ses attaques et a tué plus de 6000 Palestiniens, Palestiniennes, plus de 23000 blessés, etc. Et en même temps, a constitué un blocus humanitaire aux portes de Gaza. Donc en fait, ça fait 4 mois qu'il n'y a pas de vivres, il n'y a pas de soins, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Donc c'est une situation qui s'empire, en fait, ils sont tous affamés. Et donc les camions sont bloqués aux portes de la frontière depuis 4 mois. Et il faut aussi savoir qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, une semaine, Israël a sorti donc un document qui dit que les Gazaouis sont interdits de mettre un pied dans l'eau, dans la mer, alors que, en fait, la pêche, c'est quasiment leur dernier moyen de subsistance, même s'il n'y a déjà quasiment rien et pas de bateau. Mais en fait, ça fait prendre conscience que même s'ils pouvaient contrôler l'air, ils le feraient, quoi. Donc voilà, c'est quand même très compliqué. Et puis aussi, au-delà du blocus de la famine, maintenant ils ont aussi une autre stratégie, c'est qu'en fait ils tuent les personnes affamées quand ils vont chercher de l'aide des distributions alimentaires, des distributions alimentaires qui sont souvent sous la Gaza Humanitarian Foundation, qui est soutenue par les États-Unis et Israël, qui est très controversée. On va pas rentrer dans les détails, mais du coup voilà. Ça sort un petit peu dans les médias, effectivement, du coup, et en plus c'est quelque chose qui se répète quasiment tous les jours. Exactement, c'est ça, c'est que c'est sans cesse. Donc en fait, on se rend compte, c'est vraiment une stratégie mortelle de contrôle jusqu'à l'aide alimentaire. En gros, tout ça s'est fait dans ce contexte là et donc ils sont complètement bloqués depuis quelques mois, puisque juste avant ça, moyennant beaucoup de sous, environ 5 000 dollars, les Palestiniens, les Palestiniennes pouvaient essayer de sortir un peu. Mais du coup, là, il faut vraiment penser que c'est une enclave et que tout est entièrement fermé, en fait. Donc voilà. Et comment ça s'est fait, du coup, pourquoi ? Il y avait 3 objectifs, du coup, à travers ce départ de la marche. Le premier, c'était en fait justement de demander l'ouverture de ce blocus, de laisser passer les camions, d'ouvrir en tout cas l'aide. Le deuxième, c'était clairement de dénoncer aussi ce génocide et ce massacre qui dure bien trop longtemps. Et puis, il y avait aussi l'idée de dénoncer en fait la complicité de tous nos gouvernements. qui nous paraissent en fait passifs et inactifs parce qu'ils ne font rien, mais en fait ils sont réellement actifs dans tout ça puisqu'ils continuent d'alimenter, d'envoyer des armes. Et ça, on le sait, notamment la France, hein, et on le sait en fait grâce au travail d'ONG et de collectifs comme Stop Arming Israel, parce que c'est des informations qui ne sont pas forcément transparentes et qu'on n'a pas, et les autorités nous mentent aussi en disant que non, on n'en transporte pas, mais en fait si, et en toute impunité. Donc voilà, c'était un peu les trois objectifs de cette marche. Oui, et puis d'ailleurs, quand bien même on ne vend pas des armes, puisqu'il y a des pays qui ne vendent pas d'armes, donc de fait, ils ne vont pas être impliqués comme certains pays, comme oui. la France. Quoi qu'il arrive, il y a une sorte d'impuissance de tous les pays, de l'ONU, de toutes les organisations, à part dénoncer, dire que c'est un massacre. Il n'y a pas vraiment de représailles, ni même de... Du coup, c'est assez, effectivement, alarmant. Ouais, complètement. Complètement. Et puis il y avait aussi le ras-le-bol, je pense, de rester les bras croisés, cette inactivité, cette impuissance qu'on pouvait sentir. Et l'idée de se dire, en fait, les gouvernements font rien. C'est peut-être à nous d'y aller, de s'y rendre là-bas, d'exiger, de crier, de se bouger, en fait. Donc je pense que c'est un peu cette idée-là qui a émergé, de se dire, en fait, si on est des milliers, des milliers, des milliers, je sais pas, on peut peut-être tenter quelque chose. Et c'est l'espoir en tout cas qu'il y a eu, de se dire vas-y, j'en ai marre d'être sur mon canapé, de rien faire, j'y vais, si c'est ça qu'il y a à faire, autant le tenter, quoi. Et du coup, ça s'est passé comment là? Du coup, vous étiez... Comment ça s'est organisé? Alors moi, j'avoue que je n'étais pas trop dans le processus, dans tous les mois d'avant où ça s'est organisé. Ça s'organise quand même depuis quelques mois. Il faut aussi savoir que du coup, le contexte, il y avait la flottille, donc le bateau du Madeleine. À peu près en même temps, ouais. Qui était parti, ouais. Voilà, juste avant, qui s'est fait arrêter vraiment, je ne sais plus, peut-être 3 jours avant que la marche soit... Se lance, ouais. Voilà, se lance. Donc il y avait ce contexte-là, et à côté il y avait aussi le convoi, donc la caravane d'Afrique du Nord, avec je sais plus 3000 environ de personnes, donc du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, oui, surtout etc. D'Afrique du Nord. Voilà, d'Afrique du Nord, ouais, et qui partaient pour l'Égypte aussi, avec l'idée donc qu'on se rejoigne en fait, et que eux nous ouvrent le chemin et que nous on suive en marchant. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée de convergence à un moment donné, par voie maritime, terrestre, aérienne, du coup, pour nous, pour se rendre en Égypte, malheureusement. Et donc tout ça s'est organisé. Et puis, comment ça s'est fait? En fait, il fallait se rapprocher, du coup, d'une délégation. Il y a plus d'une cinquantaine de pays qui se sont organisés en délégation. Et donc, on s'est rapproché de la délégation française. Et pour s'y inscrire, voilà, fallait... remplir des conditions, prendre nos billets d'avion, demander le visa en Égypte, etc. Et ensuite s'organiser via des canaux Telegram. Pardon, je ne sais plus où j'en étais. Eh ben, t'en étais à comment ça s'était organisé. Ouais, y a une baisse de son. Comment ça s'était organisé? Toi, tu n'avais pas effectivement été dans l'élaboration de la caravane en tant que oui. telle, mais que du coup, tu avais rejoint cette initiative. Voilà. Et donc, la prise de billets, la demande des visas. Et ensuite, tout était un peu flou. Dans la délégation française, il y a eu quand même un gros couac où il y avait quand même une désorganisation qui était là, ça se sait. Et c'est pas grave, il faut en tirer des conclusions et repenser les choses. Mais du coup, juste avant le départ, en fait, c'était que du flou. On nous sortait des chiffres, qu'on sera 100 000, qu'on sera 1000 par délégation, qu'on sera ci, qu'on sera ça, mais en fait, on ne savait rien. Il n'y a même pas eu de brief juridique. Donc, c'était beaucoup de débrouillardise aussi. On a dû se rapprocher d'un avocat en France, mais par nous-mêmes, sans trop savoir. Nous, à se renseigner, en tout cas, par nous-mêmes, parce qu'il n'y avait absolument aucune info. Ou alors à aller s'infiltrer sur les autres canaux suisses ou espagnols, qui étaient très plus bien organisés. Très bien organisés. Donc, ça aide de parler d'autres langues aussi pour s'informer. C'était tout ça. Et puis, nous, de notre côté, le visa a été refusé juste quelques jours avant d'y aller. Pour une raison assez floue, documents non conformes ou je ne sais quoi. On savait qu'il y avait la possibilité de retenter d'avoir le visa sur place en arrivant à l'aéroport. Donc, on est parti, puisqu'évidemment, on n'a pas pu rentrer en contact avec des organisateurs, organisatrices, pour avoir d'autres infos. Donc, on s'est dit, on a les billets, dans tous les cas, on y va. Et voilà, avec la même détermination Et du coup, on a réussi à avoir un visa. Donc, on est rentré. Et ça s'est enchaîné. Mais du coup, vous étiez combien quand tu dis on? C'est quoi? C'est un groupe de gens qui étaient à Paris, par exemple, ou des gens en France? Enfin... Ouais, non, pardon. Bah, moi, du coup, je suis partie avec une autre compa, avec une autre camarade. Donc, on était deux à avoir le visa refusé. Mais on était plusieurs dans ce cas-là. Seulement, c'était compliqué en fait, de se mettre aussi tous en lien. Donc, on avait un petit groupe, nous, de 5-6. On a réussi qu'à se rejoindre à 3 parce que, en fait, la bonne moitié du groupe a été... À peine atterri au Caire, ils ont été déjà refoulés. Il y en avait d'autres qui avaient une escale à Istanbul, qui ont été retenus à Istanbul. Ils n'ont même pas pu monter dans l'avion pour le Caire depuis Istanbul. Donc bref, avec toutes ces choses-là, en fait, on s'est retrouvés à 3 réellement du groupe qu'on avait constitué de 6 personnes qui a pu rentrer. Et en fait, donc nous, avec ma camarade, donc quand je dis nous, on est deux, on est rentrés dans la nuit du jeudi au vendredi. Et donc la mobilisation avait lieu, le premier jour avait lieu le vendredi. Et en fait, je pense qu'on a eu un peu de chance parce qu'en fait, il y a eu tellement déjà d'expulsions et de gens qui ont été refoulés dès l'entrée qu'en fait, au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus refouler tout le monde, quoi. Donc nous, on était dans les derniers à passer et on a réussi à passer. Aussi parce qu'on a un passeport français, très clairement, ce qu'avaient les franco-marocains, etc. En fait, le passeport français, il te demandait toujours le deuxième. Donc voilà, dès que tu avais des origines, c'était interrogatoire direct. Et des fois, expulsion directe, quoi. Donc voilà, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Et donc, du coup, là, vous avez rejoint d'autres gens, j'imagine. Et donc, d'autres pays, d'autres... Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'était de rejoindre El Arish, qui est aux portes du désert du Sinaï. Et donc, en bus, et de El Arish, marcher 3 jours dans le désert jusqu'aux portes de Rafah. Une marche... pacifiste, etc. Et ensuite de pouvoir camper entre guillemets 1 ou 2 jours, en tout cas de faire pression aux portes du Rafah jusqu'à ce qu'on puisse, quoi. Et on a su donc quelques jours avant en fait que ça allait pas forcément se faire, la marche, parce qu'on n'avait pas été autorisé. Il n'y a jamais eu de non directement, mais il n'y a pas eu de oui non plus. Donc en fait, la décision qui a été prise, on a reçu les instructions dans la nuit, la veille, c'était de se rendre à Ismaïlia, du coup, qui est une ville entre le Caire et El Arish, donc sur le chemin, et de se rassembler tous là-bas pour essayer une dernière fois de faire pression et de demander le feu vert pour nous laisser passer. Donc en fait, en arrivant au Caire, nous n'avions encore pas idée de combien de personnes étaient là, de ce que ça représentait réellement. Et donc, le matin, on a pris la route pour Ismaïlia. Donc, la consigne, c'était de se rendre dans des taxis, d'y aller en taxi de 2 à 3 personnes. Il n'y avait plus du tout cette histoire de bus, de convoi, etc. Il fallait être le plus discret possible. Et donc, on a pris la route pour Ismaïlia. Et en fait, on commence à comprendre en sortant du Caire, c'était quoi, une heure et demie. Donc, en fait, au bout de 3 quarts d'heure, on se rend compte des bouchons qui commencent à y avoir et à y avoir et à avoir. On passe un premier checkpoint qui est pareil, extrêmement bouché. On commence à voir plein de supposés participants en fait, qui sont sur le bas-côté. Donc on pense qu'ils se font arrêter. Et en fait, là, le chauffeur de taxi égyptien nous dit « Mais enfin là, c'est une dinguerie. Je fais la route tous les jours. J'ai jamais vu ça, même en haute saison. Il y a un monde pas possible. » Et donc en fait, on se retrouve même à l'arrêt à cause des bouchons. Et en fait, on se regarde tous dans les voitures et on comprend. C'était ça, la caravane, quoi. On est tous là pour ça, en fait, très clairement. Et là, il y a eu une espèce d'effervescence et de montée, mais enfin, très, très belle, de se dire, OK, en fait, on est tout ça pour la même cause, pour la même chose. Et il y a eu un élan de force, quoi, qui a été très, très, très, très beau. Des klaxons partout, etc. Certains Égyptiens aussi qui comprenaient quand même aussi ce qui se passait. On avait des regards de soutien, des signes, enfin voilà. Donc c'était vraiment un bel élan. Et donc la plupart des gens ont été arrêtés au deuxième checkpoint, donc c'est notre cas. La voiture a été encerclée de policiers qui nous demandaient notre passeport. Donc on a essayé de négocier en montrant en fait notre visa, notre jour d'arrivée. On leur disait on est en règle, donc on vous le montre, mais pourquoi vous le donnez ? Bon, ils n'ont rien voulu savoir. Au bout d'un moment, on a compris qu'il fallait le donner. Et donc, on s'est retrouvés. On pense qu'on était environ 1000 à ce checkpoint-là. Et on a appris plus tard qu'on était en fait arrêtés sur 4 checkpoints différents. Donc, il faut savoir que là, au final, la délégation n'a jamais été réunie au même moment, tous ensemble. Et donc là, on était 1000 arrêtés, sans savoir jusqu'à quand. Et donc, voilà, pareil, une effervescence qui est aussi montée. En fait, on s'est dit, bon, bah... quitte à faire une mobilisation, on va la faire là, au checkpoint. On a sorti les slogans, les drapeaux, les cris, les chants. C'était très, très beau, très, très fort aussi comme moment. Et puis, au bout d'un moment, les policiers commencent à sortir petit à petit avec des petites piles de passeports. Donc, en fait, toute l'après-midi, ça a été ça. Ils sortaient des passeports par vingtaine, trentaine. Quand on est 1000, ça prend du temps. Et une désorganisation totale au bord de la route, avec encore des voitures qui passaient. On se faisait klaxonner de tous les côtés. Et en fait, on essayait de s'organiser pour se rendre les passeports. Donc, par pays, on faisait des petits ronds. Et puis, on était appelés, ça hurlait. C'était en plein soleil, il faisait très chaud, les gens n'en pouvaient plus. Donc, on leur disait, c'est quoi votre nom, on va le récupérer pour vous. Enfin, bon, voilà, c'était quand même un peu le chaos. Et donc, ça a duré toute l'après-midi. On est arrivé au checkpoint environ à 14h30, 15h. Et en fait, ils ont commencé qu'à les rendre vers 16h30. À 19h, on y était encore. Et donc, petit à petit, quand les passeports étaient rendus, on n'était pas tout à fait autorisés à partir, puisqu'en plein milieu de l'après-midi, les CRS, les forces de l'ordre de là-bas sont arrivées, donc nous ont déjà un peu encerclés. Et puis ensuite, donc, ceux qui avaient récupéré leur passeport ont été amenés à se mettre sur le côté. Et donc là, il y a eu des formes d'AG entre délégations pour dire on fait quoi après. Donc l'idée, c'était de rester campé en fait, sur le checkpoint en disant on est sur le chemin, quitte à être sur le chemin, on y reste en tout cas, mais on ne rebrousse pas chemin. Et puis, en fait, en fin de journée, la tension a commencé à monter. Nous, on était une trentaine à toujours pas avoir de passeport, dont moi et ma camarade. On était environ 6 ou 8 Français dans ces 30 personnes-là. Et en fait, à la tombée de la nuit, on n'avait toujours pas de passeport. Donc là, ça commençait aussi à être un peu inquiétant, parce qu'avec leurs 1000 passeports à se balader sur la route, on s'est dit déjà peut-être qu'il est n'importe où. Ou peut-être qu'aussi, c'est une stratégie et qu'ils le gardent, quoi. Donc, ce groupe-là, en fait, sans passeport, on pouvait absolument rien faire et rien décider. Tu peux pas bouger, ouais. Exactement. Donc nous, on n'a pas du tout pris part à toutes ces discussions. On était surtout là à négocier, puis ils nous disaient oui, vous inquiétez pas, dans 10 minutes, on vous les rend. Ça faisait 3 heures qu'on nous disait 10 minutes. Et donc là, voilà, les forces de l'ordre augmentaient. Des bus sont arrivés. Donc on a compris que c'était des bus en fait qui étaient affrétés pour nous. Pour nous sortir de là, totalement. On commence à avoir d'autres infos des autres checkpoints, comme quoi au premier checkpoint, en fait, les bus les ont ramenés à l'aéroport directement. Donc là, on se dit, OK, catastrophe, on ne peut pas juste avoir fait une journée de mobilisation. Et puis, en fait, là, les délégations qui étaient plutôt rassemblées en discussion, en fait, commencent à être vraiment menacées. Menacées, comme on peut le voir ici, quoi. Mais du coup, sans vraiment pouvoir rien faire. Et donc, nous, on était toujours sur le bas-côté, sans passeport. Et puis, on finit par avoir les passeports. En fait, c'est le moment où tout a dégénéré. Donc, les gens étaient emmenés de force dans les bus en nous disant qu'on serait ramenés au Caire et non pas à l'aéroport. On ne savait pas trop s'il fallait y croire ou pas. Et surtout, il y a aussi des milices qui sont arrivées et qui ont commencé en fait à frapper les gens. Parce qu'il faut savoir que là-bas, les autorités égyptiennes n'ont pas le droit de toucher les gens, de les frapper. Donc, ils payent des milices pour le faire. Donc, voilà, c'était réellement 4 personnes sur une seule à frapper, quoi. Donc là, c'était l'état de tension qu'il y avait aux environs. Du coup, là, tu montes dans le car, en fait, pour pas te faire Ouais, il y a eu quand même de la résistance. Non, mais oui, comme vous étiez nombreux, mais du coup, à la finale, c'était ça l'objectif. C'était nous faire juste faire monter dans les bus, quoi. Donc, du coup, il y a eu la question de, OK, solidarité, on revient dans la NAS, dans le groupe, on fait quoi? Et en fait, on se dit, si réellement tous les bus sont amenés à l'aéroport, autant qu'on prenne un taxi, parce que nous, on n'était pas du tout dans la NAS, en fait. On était les 30 de base. Un peu à l'extérieur. Voilà, c'est ça, un peu malchanceux, mais au final, un peu chanceux. Et donc, on a pris un taxi pour rentrer au Caire. Et au final, tous les bus sont rentrés au Caire. Donc, en fait, on s'est retrouvés le soir de nouveau au Caire. Un peu fatigué. Et puis du coup, le lendemain, à attendre des instructions des délégations. On devait toujours suivre ces formes de délégations et d'instructions. Et des instructions qui ne sont jamais venues, en fait. Une journée, 2 jours, on nous disait « reposez-vous, là, on doit gérer en fait, des cas compliqués. Il faut qu'on gère ça avant de choisir de faire autre chose. Donc, en fait, attendez dans vos hôtels en sécurité et allez voir les pyramides parce qu'il faut jouer les touristes. » Oui, histoire de détourner l'attention. L'attention, exactement. On fait une petite pause musicale avant que tu nous racontes la suite des aventures au Caire. Vous êtes toujours sur 106.3 FPP, c'est la jungle des luttes. On est ensemble encore une heure. Musique. ça vous parle ou pas? Qu'un vieux champ de blé, un village en péril, des familles menacées par des gens d'autres villes, d'un pays fortuné. Enfant de Palestine, tu n'as rien demandé, mais au niveau victime, c'est toi le plus touché. Tu confirmes l'expression, un peu trop imagée, caillou contre canon, c'est un combat truqué. Au pied du mur des enfants jouent, oubliant les affres de la guerre. Derrière le mur, un peuple vit dans une prison à ciel ouvert. Derrière le mur de la honte, par-delà les barrages, les chars et les checkpoints. Derrière les murs, loin des yeux, loin du cœur, il y a la Palestine. Quand tes enfants tombent sous les bombes, c'est l'humanité qu'on assassine. Le monde entier est complice par sa complaisance et son silence. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Moi aussi j'y ai cru, la justice est la même pour tous, sauf pour les puissants. Le savais-tu, monsieur le juge, à les massacres. À table de Tzal, c'est l'oncle Sam qui régale. Tu pries pour HK, s'il vous plaît. Pour les enfants de Palestine. Et les enfants du monde entier, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur nationalité, quand ils sont opprimés. Israël, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était tes enfants qui étaient innocents. Là je peux prendre parti, car je suis écœuré de voir ton peuple ainsi, si peu évoluer. Je n'écris que des lignes, et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine et mon droit de veto. Dans le ciel de Gaza, les faucons rôdent jour et nuit, les hélicoptères passent et repassent, et notre futur s'obscurcit. Les colons chassent les colombes, ils ont envoyé les oiseaux de fer pour creuser notre tombe. Mais l'olivier reste enraciné dans sa terre. Ouais, l'olivier est un arbre millénaire. L'olivier est toujours debout. Palestine ne sera jamais, jamais à genoux. Je n'écris que des lignes et fait rimer des mots. Cette chanson pas d'estime et mon droit de veto. Je n'écris que des lignes et fait rimer des mots. Cette chanson pas d'estime et notre droit de veto. Merci, du bruit pour HK, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit. 106.3 FPP, c'est la jungle des luttes. On continue avec Malo qui nous racontait donc cette expérience de cette caravane qui a été disloquée dès le départ, en fait. Caravane de solidarité avec les personnes, les peuples en résistance, hommes, femmes et enfants à Gaza depuis déjà trop longtemps. Et donc essayer de rompre cet isolement et donc toutes ces difficultés, ces complicités de l'Égypte pour qu'il se passe rien. Et donc, du coup, vous avez été ramené au Caire après avoir tenté d'avancer. Vous avez été, certains, ramenés direct à l'aéroport et la plupart, donc, au Caire. Et donc là, on vous a proposé d'être le plus discret possible et finalement de peut-être laisser ici l'idée de la caravane. Enfin, c'était un peu ça. On va pas redémarrer autrement. Exactement. Je dirais que c'est au bout du deuxième jour, quoi, après la mobilisation, qu'on a compris qu'en fait, il y aurait pas de suite et que la délégation nous invitait à rentrer pour des questions de sécurité. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression aussi politique des ambassades, etc. Et donc voilà, il y a eu vraiment cette invitation de faites-vous discret, changez votre vol et rentrez. Et donc il y a quand même eu aussi on s'est dit, on est encore des milliers sûrement au Caire, on peut pas juste rester là, attendre dans nos hôtels ou rentrer, c'est pas possible. Donc il y a eu cette tentative un peu de s'auto-organiser, de se dire, bah, si on n'a pas de proposition, nous on va faire une proposition d'organiser quelque chose qui reste pacifiste aussi, mais juste de montrer qu'on est là, quoi. Sauf qu'en fait c'était pas du tout évident, puisqu'on était quand même largement traqué dans le Caire. Dès qu'on était à plus de 4 dans un café, c'était suspect. En plus, il fallait savoir que c'était la basse saison. Donc, d'avoir autant de touristes au Caire, c'était quand même très bizarre. Donc voilà, ça a été compliqué. On a fait des tentatives aussi de rentrer en contact avec le convoi. Le convoi aussi du coup d'Afrique du Nord qui est resté bloqué à la frontière, qui n'a jamais pu rentrer. Donc voilà, on a essayé ces choses-là. Et puis en fait, la vague d'expulsion et d'arrestation, elle s'est vraiment intensifiée. Et donc, il n'y a finalement rien eu. Enfin, rien ne s'est fait à ce niveau-là. Et donc, nous, avec ma camarade, on a eu la chance de rencontrer une personne qui venait pour la marche, mais qui venait aussi pour une ONG qu'elle a fondée au Royaume-Uni et qui vient en aide à tous les réfugiés, en fait, un peu partout dans le monde. Et donc là, elle avait combiné la marche et sa mission. Et donc, elle venait au Caire, en fait, pour organiser une distribution alimentaire auprès des réfugiés du Caire. Elle avait récolté pas mal de fonds et était entrée en contact, en fait, avec certains réfugiés palestiniens qui sont au Caire. Et en fait, elle nous a dit, moi, j'ai besoin de bras, j'ai besoin d'aide, donc venez avec moi. Et donc voilà. Donc, en fait, on a passé nos autres jours à rencontrer ces réfugiés-là. Donc, en fait, c'est un petit groupe de réfugiés palestiniens qui sont sortis après le 7 octobre, hein, donc il n'y a pas si longtemps, et qui s'auto-organisent pour venir en aide aux plus démunis. Et donc, voilà, on a essayé de voir avec eux leurs besoins, leurs nécessités, et d'aider aux distributions. Il faut savoir qu'ils sont environ, le chiffre est assez flou, mais ils sont environ 150 000 au Caire. Et en fait, ils n'ont pas le statut de réfugiés. On dit réfugiés, mais ils sont seulement tolérés sur le territoire. Du coup, ils n'ont absolument droit à rien. Ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de documents. Ils ne peuvent pas avoir de travail, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils n'ont pas le droit à des soins. Même la carte SIM, il faut qu'un Égyptien ou une Égyptienne leur offre, enfin leur achète, parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas de papiers égyptiens, ils ne peuvent rien faire. Donc en fait, ils vivent que sur des dons et sur de l'aide associative, d'ONG, etc. Donc voilà en tout cas comment on a essayé de se rendre utile jusqu'à notre arrestation le mardi soir, en sachant qu'on était arrivé dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc c'était très court, j'ai l'impression d'avoir passé 3 semaines, mais c'était seulement 4 jours. 5 jours. Pardon. Et voilà, et du coup on a été donc arrêté le mardi par les forces égyptiennes en civil dans l'hôtel. On a été directement amené à l'aéroport, donc nous on pensait prendre notre vol retour tout de suite. On a quand même passé la nuit dans une petite cellule, entre femmes, en collectif, et après ils nous ont mis sur un vol et on est rentré. On est rentré en fait en 10 heures de temps, on était à une distribution alimentaire et ensuite on était à Charles de Gaulle. Donc c'était quand même un retour très intense et très, très frustrant. Mais voilà, l'idée c'était aussi de pas avoir fait comme ça une apparition au Caire auprès des réfugiés, en fait, et après de les laisser tomber. On est toujours en contact à l'heure actuelle avec eux, on essaye de toujours faire des ponts. on sait leurs aides. Ils ont besoin, par exemple, d'un réseau de psy. Ils en ont parlé. On essaie de trouver des psys bénévoles qui parlent anglais, arabe. Voir si on ne peut pas construire aussi des choses, faire des ponts. Là, on est en train aussi de faire un crowdfunding parce qu'un des réfugiés qu'on a rencontré et qui on a passé beaucoup de temps est prof d'anglais. Il a une thèse, il était professeur en fait à Gaza. Et donc lui, il a beaucoup de projets sur l'éducation pour permettre aux réfugiés justement du Caire d'avoir en fait accès à l'école et d'avoir des cours en ligne, si c'est qu'en ligne. Mais voilà, ils leur font des fonds, etc. Donc on essaye aussi de se mobiliser pour poursuivre ce voyage. C'est ça. Donc du coup, s'il y a des personnes qui veulent se mobiliser, ils peuvent contacter, si jamais justement il y a des psys dans leur entourage ou eux-mêmes le sont ou connaissent une association, il y a des liens, un mail, un site, rien de... Ouais, malheureusement, c'est encore en cours de construction ça. Et du coup, on n'a pas encore étoffé la chose de comment s'organiser, en tout cas entre nous, pour prendre tous ces contacts-là. Mais il y a quand même plein d'autres choses à faire. Déjà, c'est de garder les yeux sur Gaza. Ce n'est pas un échec ce qui s'est passé et il faut qu'on continue. Et dans tous les cas, on les a dérangés, en fait. On les a dérangés, vu tous les moyens qui ont été mis pour nous faire sortir. C'est qu'on n'avait rien à faire là. Et c'est aussi ça qu'on voulait, en fait, faire du bruit et montrer qu'on était là. Il y a aussi le bateau Andala qui est parti la semaine dernière, ou il y a quelques jours, avec 18 activistes. Et donc, c'est pareil, ils ont besoin de soutien. Il y a déjà eu du sabotage là, à leur départ. Il faut qu'on ait aussi les yeux rivés sur eux, parce que c'est aussi une question de sécurité. Et du coup, il faut les suivre. Donc, il y a l'Instagram, ce qui s'appelle Flotille Liberté Gaza, et aussi un canal Telegram, Soutien Freedom Flotilla. Et cet été, il y a aussi l'action donc d'envoyer environ 1000 bateaux vers Gaza. Donc c'est le mouvement qui s'appelle Southern Madeleines, mais il y a le collectif France, la délégation voilà, française en tout cas qui s'est créée pour apporter de l'aide humanitaire. Donc c'est pareil sur Instagram, c'est Southern Madeleines France et vous pouvez, en fait on peut aider économiquement sur l'achat de bateaux justement, de la restauration de bateaux, acheter des vivres, mais aussi en prenant part à la délégation, donc en remplissant le formulaire. Et d'ailleurs il y a une soirée de soutien samedi prochain à Paris au TDTF qui est dans le 19e à Paris. Et donc tous les bénéfices vont être reversés justement à la délégation française et ça sera de 17h à 2h. Donc n'hésitez pas à y aller et ça permet de soutenir ce mouvement qui continue puisqu'on lâche pas et on continue à essayer d'atteindre Gaza avec de l'aide humanitaire. Ben, merci beaucoup Malo pour toutes ces informations et donc si jamais vous voulez éventuellement être en lien, ben, nous on peut se donner rendez-vous aussi début septembre pour ceux qui n'auront pas été... actifs d'ici là et qui n'auront pas trouvé, vous pouvez toujours nous rejoindre le premier mercredi de septembre au CICP 21 Terre rue Voltaire. Et puis on sera en lien avec Malo si vous avez besoin d'infos. Et bah, on fait une petite pause musicale et ensuite on sera avec Boris qui nous raconte un petit peu des initiatives à venir avec qui on va pouvoir partager. Et donc c'est bon, Chiquita, musique 106.3 FPP, la jungle des luttes. Les effaceront demain, mais c'est pas ça qui démotive. On a les cartes entre les mains, pas moyen de les laisser faire. Va pas se laisser taire, y'a trop d'innocents qui saignent. Trop de morts, de misère. C'est pas des présidents, c'est des chefs de cœur. C'est nous la résistance, comment faire leur douleur. Parfois je me demande si on vit tous sur la même planète. Y'a des gens sous les bombes, mais on parle que des géos sur les ondes. Jusque sous les ondes. C'est pour nos frères Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries. Sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Reste-t-il de notre humanité, de Gaza à Paname, tout ce concerné, ce qu'on regarde sur l'écran télévisé. Pour tordre, tu sais, c'est la réalité. Les cours d'histoire ne nous ont-ils rien enseigné? 2024, on se tire encore dessus pour une divinité. qu'il a jamais demandé. Les mères pleurent, les pères ont peur. Sans tuer les cœurs se serrer, même en terre brûlée, il reste une fleur. Faut pas la laisser faner, elle se trouve dans nos cœurs. C'est pour nos soeurs Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie et la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries. Sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. C'est l'heure de crier très fort qu'on va pas s'arrêter là. Nous on rêve comme le faisait Mandela. D'un monde où on s'accepte, où on se respecte. Peu importe la gueule, peu importe l'âge. La religion, le genre, le langage. Personne fuit les balles. Personne fuit les balles. 106.3, la jungle des luttes. Vous êtes toujours donc sur FPP avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on est ensemble donc jusqu'à 20h30 tous les troisièmes lundis du mois avec Boris qui du coup lui voulait donc dans un premier temps nous annoncer le couscous climat en septembre, donc ça c'est déjà annoté dans vos petites tablettes là, et justement nous raconter un peu dans quel contexte ça s'organise et tout ce qu'il y a autour qui est en train de graviter, de se construire quelque chose qui ressemble à donc ce qu'on appelle la convergence des luttes, avec l'idée de pouvoir justement se rencontrer tous et toutes avec le monde rural, urbain, les quartiers, les paysans, ou quelque chose qui est à l'ordre du jour d'ailleurs depuis des années, qu'il faut construire et construire et construire. Et donc très contente de voir qu'il y a des initiatives qui sont en train de se construire. Merci à toi d'être avec nous, Boris. Je te laisse la parole, présenter donc justement ces projets, ces envies et ce collectif à venir ou en construction. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, pour parler un peu du Couscous Climat, c'est une initiative qui est portée dans le cadre de l'association dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est basée à Saint-Denis, ça s'appelle Engrainage. Donc, l'objectif de ce moment-là, donc le 27 septembre, c'est de se retrouver sur le lieu. En fait, on a deux lieux où c'est un peu comme des parcs publics qu'on conduit avec une gestion agricole en collectif. L'objectif, c'est que ces espaces publics deviennent à la fois des lieux nourriciers, mais aussi des lieux de partage de savoir et d'éducation populaire autour des savoirs paysans et aussi des savoirs alimentaires. Et donc, l'objectif, c'est de créer un gros mouvement de mobilisation en lien avec les maisons de quartier tout autour. Donc, en fait, on est au cœur du quartier des Framoisins et de la cité des 4000. À Saint-Denis, donc. À Saint-Denis, juste à côté de la Courneuve. Donc c'est au parc du Glacis donc dans le 93 en région parisienne, si jamais il y a, oui, des gens qui nous écoutent par, oui, internet et qui habitent pas la région parisienne, effectivement c'est ça, car dans le 93 c'est ces fameux quartiers très, oui, urbains populaires, oui. Et donc en fait l'objectif c'est vraiment de créer un moment de cohésion sociale, de repas partagés. Un peu à l'image des fêtes de quartier qui s'y déroulent souvent. En fait, de créer des liens avec des personnes qui militent pour les droits paysans ou qui sont en lien avec des luttes à l'international sur les questions agricoles. Et donc, de croiser un peu ces enjeux avec une discussion sur le climat, le système alimentaire. Quels sont les enjeux, comment est-ce que ça touche déjà les quartiers populaires et comment est-ce que ça va encore plus les toucher, et surtout quel rôle tous les habitants et les habitantes des quartiers populaires ils peuvent jouer vis-à-vis de ça. Et donc un peu peut-être pour un peu entrer en profondeur sur ce sujet-là et du coup un peu expliquer d'où vient cette réflexion sur une convergence des luttes entre les quartiers populaires et les mouvements paysans. C'est qu'on a un peu dans une situation qui est critique dans le monde agricole, avec une chute drastique du nombre d'actifs agricoles. On en est déjà à plus que 1% de la population active, là où on en était à 30% à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, dans 5 ans, il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite, et dans 10 ans, 80%. Et donc, d'un côté, il y a des savoirs qui vont continuer à se perdre. Donc, on est déjà dans une agriculture hyper modernisée. Mais en fait, on va vers une concentration du foncier qui est encore plus grande. Et du coup, qui dit concentration du foncier dit en fait que la terre, elle est plus. On peut plus la rediviser comme ça, quoi. Ça demande une réforme agraire. Et donc, ces fermes usines, elles vont complètement phagocyter le foncier agricole français. Parce qu'en fait, il n'y a pas un renouvellement des actifs en face qui est suffisant, et que surtout les fermes qui s'installent aujourd'hui sont aussi sur des modèles de petites fermes agroécologiques qui ne sont pas favorisées par le système actuel et qui du coup ne peuvent pas faire face et pouvoir aussi nourrir autre. Enfin, aujourd'hui, l'agriculture biologique, elle est en perte. Et surtout, elle coûte plus cher. Donc, elle est pas destinée aux populations des quartiers populaires. Ouais. Et que du coup, en fait, les populations des quartiers populaires, elles sont complètement assujetties à une alimentation issue de l'agro-industrie. Et que cette agro-industrie, elle va vers une direction qui pourrait être funeste, parce qu'on a une concentration du foncier qui va aller vers des trucs gigantesques, donc plusieurs milliers sans d'hectares. Sans compter la qualité de la production. C'est ça. Et donc, à côté, il y a le changement climatique, avec des événements extrêmes, avec on peut faire autant de méga-bassines qu'on veut quand on a des sécheresses et des canicules avec des pics de chaleur à plus de 50 degrés. En fait, il y a des animaux qui ne peuvent pas polliniser, il y a des plantes qui arrivent à leurs limites. Et à côté, on a aussi un effondrement de la biodiversité qui est gigantesque, un épuisement des sols. Et de l'autre côté, le prix du pétrole qui monte, et de même pour les métaux rares, par leur épuisement. Et donc, en fait, la question qui vient un peu ici, c'est qui seront les premières personnes qui seront impactées par cet effondrement agricole qui est déjà en cours depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant, et qui, en fait, va continuer. C'est les personnes les plus précaires et qui sont concentrées dans des endroits comme les quartiers populaires. Et donc, en fait, dans ces quartiers populaires, il y a aussi déjà des problématiques qui sont très claires au niveau de la chaleur, au niveau de la pollution. Et donc, en fait, ça va venir accentuer cette problématique des quartiers populaires et de leur vulnérabilité vis-à-vis des changements actuels. Et donc, ça, c'est ce qui va être subi. Mais de l'autre côté, en fait, l'accès à la terre, aujourd'hui, il est conditionné à des sommes astronomiques, à des crédits qui sont juste pas envisageables pour des personnes qui ont pas les moyens, quoi, de prendre ces risques. Et donc, en fait, dans les quartiers populaires, ils sont complètement oubliés dans le renouvellement agricole actuel. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à reconstruire une paysannerie en France qui est en capacité de lutter contre l'agro-industrie. Et donc, un peu la question qui se pose depuis les quartiers populaires, c'est comment est-ce qu'on fait pour vraiment aller dans une logique qui permet à la fois la reconstruction d'une souveraineté alimentaire, mais aussi une autodéfense vis-à-vis de toutes les problématiques qui convergent vers ces populations-là. Et donc, heureusement, il y a plein de choses qui sont quand même belles, en tout cas hyper prometteuses dans les quartiers populaires. C'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration, donc en fait, qui ont aussi des savoirs issus de leur pays, d'une agriculture qui est non pétrolifère. Et donc en fait, on a des personnes qui savent encore reproduire les graines, qui savent encore faire de l'irrigation gravitaire, qui savent encore faire de la traction animale. Et donc en fait, on a aussi des savoirs qui sont en train de se perdre avec la génération, les générations de personnes qui, mais qui quand même, il y a quand même encore de l'immigration qui amène en fait des personnes qui sont aussi qui portent les savoirs agricoles de demain, qui doivent bien sûr être adaptés, mais en fait qui ont des savoirs agricoles hyper hyper précieux aujourd'hui en France. Et puis il y a aussi la question des langues parlées. On entend souvent, quand on parle du GIEC, d'un chiffre alarmant qui est 2,5 milliards de réfugiés climatiques en 2050, qui ne sont pas dus à des questions, c'est juste physiologique. Donc c'est juste des endroits où la température va empêcher, c'est une température létale pour le corps. Donc il n'y a rien à faire par rapport à ça. Oui. C'est des zones qui sont inhabitables. Et donc, en fait, où est-ce que vont aller ces personnes si on a déjà des zones autour, dans les zones un peu plus sèches, qui sont déjà déstabilisées politiquement? Donc, il y a un peu aussi cette question de la migration climatique. Et que du coup, en fait, les personnes qui détiennent cette capacité à parler plusieurs langues, et ben en fait, c'est aussi peut-être des gens qui vont jouer un rôle très important en fait dans les années à venir. Et donc, c'est un peu changer de regard par rapport au quartier populaire et de se dire en fait que c'est aussi, préserver peut-être aussi ces langues. C'est ça. C'est que préserver ces langues et remettre à jour ces savoirs et en fait se dire que ils détiennent aussi une partie de notre avenir et de l'espoir qu'on peut avoir vis-à-vis de nos souverainetés alimentaires et d'un. De la multiplicité qui fait qu'on est humanité avec voilà. Toute cette. Et donc la question par rapport à ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on donne accès à la terre, comment est-ce qu'on peut permettre à des personnes qui vivent en ville de pouvoir avoir accès à la terre et de reprendre la terre en fait en France. Et de l'autre côté, il y a aussi une grosse question, c'est qu'en fait la question de l'accès à la terre dans les quartiers populaires n'est pas vraiment une question, puisque c'est pas une destinée qui est envisagée par la plupart des personnes qui sont jeunes aujourd'hui et qui vont aller vers une activité professionnelle, et que du coup il y a vraiment une question culturelle de comment est-ce qu'on fait pour remettre au jour tous les savoirs paysans. Tous les savoirs alimentaires et en fait reconstruire un lien à la terre et des savoirs liés au travail de la terre et au vivant et à sa régénération. Du coup, le travail un peu qu'on essaye de faire avec le Couscous Lima et aussi avec un collectif qu'on essaye de monter pour un peu monter en puissance sur ces questions-là et que ça devienne un sujet en France, puisqu'en fait, en France, la question du renouvellement agricole, elle est jamais pointée. Autrement que par facilité. De toute façon, c'est la FNSEA qui parle du monde agricole et qui se fait entendre, en fait. Mais même chez Terre de Liens, même chez la Confédération Paysanne, on n'ose même pas, en fait, parler de réforme agraire. On parle de 1 million de paysans. En fait, on en avait combien avant la Seconde Guerre mondiale? On en avait beaucoup plus. Et donc, la question, en fait, de comment est-ce qu'on va mettre en place ce renouvellement agricole, elle n'est jamais posée. Elle est toujours en fait économique. Donc, c'est-à-dire qu'elle est toujours conditionnée à des personnes qui en ont les moyens. Elle n'est jamais posée comme un mouvement politique qui s'organise pour donner l'accès à la terre à tous et toutes. Terre de Liens, c'est justement ce qu'ils essayent de faire, de pouvoir accompagner des personnes pour qu'ils puissent justement travailler sur des terres en n'ayant pas de moyens. C'est justement l'objet justement de Terre de Liens. C'est l'objet, oui. Donc... C'est aussi une aide. Mais en tout cas, disons que c'est quelque chose qui est assez marginal, parce que Terre de Liens, ils ont sauvé en 10 ans le nombre de fermes qui disparaît toutes les semaines. Non, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas suffisant. C'est juste ça. Pour dire, du coup, ils n'ont pas considéré cette question-là. Au cas où les auditeurs auraient peut-être cru qu'on mettait dans le même panier les politiques, Terre de Liens, conf et tout. C'était juste pour... Non, je pense que... il faut aller plus loin, c'est clair. Et de manière générale, tous ces mouvements-là, ils ont aussi une vision internationaliste et ils voient très bien ce qui se passe dans la plupart des pays qui se bougent aujourd'hui pour prendre soin de leur paysannerie en tout cas, les mouvements qui se bougent en ce sens-là, avec la question de la réforme agraire intégrale et populaire, etc. Et que, du coup, en fait, cette question de la réforme agraire, elle devient aussi un sujet... en tout cas, elle va le devenir en France, et que du coup, il faut construire ce sujet-là, et il faut aussi réfléchir depuis notre prisme français de qui sont nos sans terre et quel est leur lien à la terre finalement. Et du coup, l'objectif un peu de ce collectif et aussi du moment qu'on va faire pour le Couscous Climat, le 27 septembre, donc le 27 septembre à Saint-Denis, au parc du Glacis. C'est en fait de créer une convergence qui sera pour le moment juste des gens qui se rencontrent quoi, et qui les font des liens. Les balbutiements. Donc une convergence entre le mouvement paysan et avec toute cette logique agroécologique, les mouvements qui se mobilisent aujourd'hui pour les quartiers populaires et qui portent aussi une écologie populaire qui est en train de bousculer aussi l'écologie mainstream, on va dire, libérale. Et aussi une vision internationaliste pour aussi nourrir cette réflexion-là et voir qu'en fait, il y a plein de pays qui depuis des décennies s'organisent pour l'accès à la terre et pour la réforme agraire, et que du coup il y a aussi besoin en France de faire le lien avec ces pays-là, surtout qu'en fait quand on regarde le système alimentaire, tout est connecté, c'est-à-dire que lutter en France pour la souveraineté alimentaire et la fin d'importation de soja, c'est lutter de l'autre côté pour que des pays dont les terres sont tout simplement volées aux paysans pour produire une culture d'export, mais en fait on les libère en fait en sortant d'un système soja ou en arrêtant d'importer des roses de Colombie, etc. Et donc il y a aussi cette logique-là que la décolonisation, elle va aussi se mettre en place dans une logique internationaliste. C'est-à-dire que c'est une forme de décolonisation de la France aussi, et de retour à l'agroécologie, d'accès à la terre pour tous et toutes. C'est aussi une décolonisation qui est un levier pour les luttes qu'il y a dans les pays qui sont dans une décolonisation plus classique, comme on l'appelle aujourd'hui, quoi. Ben merci beaucoup, Boris. On continuera avec toi. Peut-être on te rappellera de nous rappeler justement ce rendez-vous, ce couscous climat. Et ben on espère vous y rencontrer, qu'on te rencontrera aussi à d'autres moments pour voir comment avancent ces rencontres, ces convergences et ces ponts. On fait une petite pause musicale et ensuite donc on se retrouvera avec l'intervention lors de l'inauguration du bus de Samir Compañero del Xochitlán, Mexique, qui est donc à la parole errante depuis plus d'un mois maintenant. Musique 106.3 FPP, la jungle des luttes. Es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás. En la esquina de un lugar de bar, borracho de idea, me puse a bailar. Tus ojitos de bandida no me dejan de mirar. Brindemos por los que están presos, brindemos por los que no están. Aunque la muerte sea nuestro final, nuestra trinchera es antifasciste, t'es motivé, t'es sur la piste, tu l'enregistres dans la playlist, tu la partages, tu prends des risques, t'es un wokiste, séparatiste, t'es un gauchiste, indigéniste, t'es anarchiste, t'es féministe, faut que tu fasses gaffe, t'es sur la liste, tu veux de la valse, tu veux guincher, t'auras du rap, pour la gratter, ça va kicker, ça va piquer, y'a des oreilles qui vont saigner, ils ont la haine des immigrés, ils ont la trouille d'être remplacés, n'en fallait pas nous inviter, n'en fallait pas coloniser, on est sincère, on est bruyant, on est bavard, on est barbare, on est saoulant, évidemment, on est sympa, mais pas souvent. On refait le monde, il est hardcore, on le critique, on le décore, on le bouscule, on l'améliore, quand on est plein, on est plus fort. Et c'est le vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. C'est le vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás. C'est en 6.3 FPP, la jungle des luttes. Donc, comme je vous le disais, on va vous retransmettre les enregistrements qu'on a faits à la parole errante, donc suite à l'inauguration du buste de Samir Flores de Almincingo. Bon, El Xochitlán, c'était une lutte encore. Il y a un compas qui est là-bas et qu'on a soutenu. Bon, ouais, j'aurais pu dire encore tellement d'autres noms, tellement il y a des projets partout, des copains en lutte, certains exilés, d'autres en prison, d'autres malheureusement... partie décédée, justement, en parlant de nos compas. Parti, un grand salut à notre ami Dédé qui, qui aujourd'hui est avec les étoiles et on espère qu'il est en paix. Et grand salut à notre compagnero Sandré Dédé, chérie. Et donc, ben voilà, on est à la parole errante. On continue avec l'enregistrement qu'on vous transmet. Ici, à la parole errante, pour la fête d'été de la parole errante, qui est chère pour le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte et de nombreuses personnes qui créent un autre monde, un monde plus juste. Aujourd'hui, on va faire la non-inauguration du bus de Samir Flores. On va revenir là-dessus avec Véro. Donc, c'était une action internationale qui a été faite. Et donc, c'est dans cette démarche que nous faisons cette non-inauguration. Et si on a décidé avec la parole errante de mettre le buste ici, c'est parce que ça fait écho à une autre œuvre qui est là depuis 1992. Donc cette mosaïque en hommage à la résistance du peuple Maya et plus largement des peuples autochtones dans les Amériques. Alors, l'histoire, elle rebondit, puisque en 91, comme vous le savez, Stéphane Gatti et Armand Gatti avaient des liens très forts avec le Guatemala. Et au Guatemala, il y avait eu le lancement de la campagne 500 ans de résistance indigène, noire et populaire. C'était pour contrer justement les 500 ans de colonisation, les 500 ans de l'arrivée de Christophe Colomb qui errait sur la mer. Et donc Armand Gatti et Stéphane Gatti faisaient de nombreuses formations ici avec les jeunes des quartiers et ils ont travaillé sur la question justement des 500 ans de résistance indigène noire et populaire avec des jeunes, avec des textes, avec voilà. Et cette mosaïque fait partie du travail qui a été fait à la parole errante. La campagne 500 ans de résistance indigène noire et populaire avait deux axes, qui étaient plusieurs, mais deux axes principaux. C'était l'obtention du prix Nobel de la paix à Rigoberta Menchú, donc une femme résistante maya du Guatemala, et la libération de Leonard Peltier, un prisonnier politique qui était aux États-Unis, là, qui vient juste de sortir après près de 50 ans de prison. Et voilà. On peut dire qu'avec cette mosaïque, la parole errante a commencé à soutenir le zapatisme avant que le zapatisme soit au grand jour le 1er janvier 1994 lors de l'insurrection, puisque normalement l'insurrection du mouvement zapatiste aurait dû se tenir le 12 octobre 1992. Ils ne l'ont pas fait pour des raisons qui... On ne le saura jamais, mais voilà, ils ont fait un choix d'attendre pour lancer l'insurrection en 1994 contre le traité de libre-échange nord-américain. Mais il y a eu une action zapatiste le 12 octobre 1992, même si ce n'était pas officiellement zapatiste, dans la ville de San Cristobal, donc au Chiapas. Il y a eu une grande manifestation des communautés mayas et indigènes en résistance. Et ils avaient... fait tomber la statue du conquistador qui s'appelle Diego de Mazariegos. C'était le conquistador qui avait participé à la colonisation du Chiapas et du Mexique. Et voilà. Et on peut se dire que voilà, ces deux monuments maintenant vont être ensemble et rappeler l'histoire des luttes. Merci. Thank you. peu de contexte sur le buste qui va être inauguré aujourd'hui, et que c'est un anti-monument. Après, on va écouter une autre chanson de la fanfare La Clé des Luttes. On vous remercie d'être là et de nous accompagner. Et ensuite, il y a une autre camarade qui va lire un communiqué qui est sorti en février 2025 dans le cadre d'une campagne globale. Donc, ce qu'on va inaugurer aujourd'hui, c'est qu'on appelle aujourd'hui au Mexique un anti-monument. Et les anti-monuments ont commencé à être installés en 2015 dans la ville de Mexico. Les premiers étaient une grande sculpture représentant le nombre 43, en référence aux 43 étudiants d'Ayotzinapa, victimes de disparitions forcées en septembre 2014 dans l'état de Guerrero, au sud du Mexique, et à la suite d'une attaque menée par différentes forces de police et par l'armée mexicaine. Depuis, d'autres anti-monuments ont été installés sur l'avenue principale de la ville de Mexico, l'équivalent de Champs-Élysées, Paseo de la Reforma. Il s'agit de sculptures clandestines installées de manière sauvage par les familles des victimes ou par les collectifs concernés. Aujourd'hui, il y a plus de 10 anti-monuments dans la ville, sans compter ceux qui ont été installés dans d'autres villes mexicaines et à l'étranger. La plupart des anti-monuments dénoncent les violences d'État. S'ils reprennent les supports des actions mémorielles, ils sont avant tout un outil de lutte, un outil pour exiger de manière permanente vérité et justice. L'antimonument de Samir Flores a été installé la première fois sur la place principale de Mexico en 2020, un an après son assassinat. En février 2025, cet antimonument a poussé dans d'autres parties du monde et aujourd'hui, nous le faisons pousser ici à la parole errante. Journée mondiale, justice pour Samir Flores Soberanes, 6 ans d'impunité. Aux signataires de la déclaration pour la vie, sœurs, frères, cela fait 6 ans qu'ils ont ôté la vie à notre frère Samir Flores Soberanes, 6 ans que ceux qui l'ont fait tuer gouvernent, 6 ans de duperie, d'imposition et de mépris envers nos peuples, 6 ans de plus de résistance, de rébellion, de lutte pour la vie, d'être Samir, inspiration, graine et encouragement à construire l'autonomie, un autre monde possible. Justice pour Samir, crée la résistance pour la vie contre le projet intégral Morelos et contre le narco-gouvernement. Justice, crée chacun de nos peuples, lieux et cœurs qui l'ont connu avant ou après sa mort. Justice, crée en nous dans la lutte pour la vie à Gaza, au Chiapas, à Ostula, dans la lutte contre la décharge de Cholula, dans le cri des familles de nos sœurs et frères disparus, dans la lutte contre les trains militaires mayas, contre le corridor interocéanique, la xénophobie et le déplacement forcé, la mine, le barrage, le train, le corridor, le gazoduc, la centrale thermoélectrique, le fracking, le cartel immobilier, le business des déchets, la défense des rivières, des mers et des étendues d'eau, des forêts et des espaces autonomes sur la terre ou dans l'air. Justice, a construit Samir au cours de sa vie. À 6 ans de son cruel assassinat le 20 février 2019 à Amilcingo, dans l'état de Morelos, 3 jours avant la consultation imposée par López Obrador pour légitimer son changement d'idée et finir par imposer le projet intégral Morelos, les assassins de Samir sont toujours libres et ils continuent de gouverner. Ce sont 6 ans d'impunité, 6 ans d'impossibilité de faire que les coupables soient condamnés parce que les coupables sont au gouvernement et ils peuvent facilement échapper à la justice de l'État parce que l'État, ce sont eux. Mais la justice se trouve dans la lutte pour la vie. Et oui, dans notre exigence, peut-être absurde, d'exiger que le bourreau soit poursuivi et puni, de mettre à nu le roi capitaliste, le narco-gouvernement mexicain qui a fait assassiner Samir. À 6 ans de l'assassinat de Samir, nous convoquons les signataires de la Déclaration pour la vie à dédier un moment, un instant, une graine de mémoire, de vie et rébellion à notre compañero Samir Flores Soberanes les 20, 21, 22 ou 23 février prochains, en construisant en plusieurs lieux la Journée mondiale Justice pour Samir Flores, 6 ans d'impunité. Ces jours-là, au Mexique, aux États-Unis, en Euskal Herria, en France et en Italie, 6 bustes de Samir seront semés. Sa mémoire sera semée dans les territoires dignes de nos sœurs et frères, dans les pays, dans les entreprises sont ou ont été impliquées dans le crime de ce projet intégral de Morelos. Donc c'est Elecnor de Euskal Herria, Saint-Gobain ici en France, Bonatti en Italie, Macaire aux États-Unis et bien sûr le narco-gouvernement du Mexique. Pour que la responsabilité du gouvernement mondial capitaliste dans la mort de Samir et la lutte pour la vie ne soit pas oubliée. Mais la mémoire de notre compañero se sème non seulement avec des bustes, mais aussi avec la lutte pour un toit digne de la communauté otomi de la ville de Mexico qui a fondé la Maison des Peuples Samir Flores Soberanes et résiste dans des anciens bureaux généraux de l'INPI, l'Institut National des Peuples Indigènes. Dans un arbre du campement de résistance à Lutzerath, en Allemagne, dans une chanson, une poésie, un dessin, une discussion, une vidéo, une table ronde, une photo, une peinture, une gravure ou un fruit, ou même une émission radio, dans toutes ces choses, on trouve notre frère Samir Flores Soberanes. Nous appelons les signataires de la Déclaration de la vie à participer avec une action ou une parole à la Journée mondiale Justice pour Samir Flores Soberanes, 6 ans d'impunité, les 20, 21, 22 ou 23 février 2025 ou quand leur réalité le leur permettront, donc aujourd'hui, le 28 juin 2025 à la parole errante. La justice viendra d'en bas à gauche en commun. Pour la reconstitution intégrale de nos peuples, Front des Peuples en Défense de la Terre et de l'Homme Morelos Puebla Tlaxcala, Congrès National Indigène, Armée Zapatiste de Libération Nationale. Samir vive! La lucha sigue! Samir vive! La lucha sigue! La lucha sigue, sigue. Thank you. vous lire ce qu'il dit la plaque, qui est en espagnol, mais vous allez tout comprendre tout de suite. Donc, Samir Flores Soberanes, il est né le 2 août 1982 et il a été assassiné le 20 février 2019. Et il était un communicateur, enfin, c'est-à-dire qu'il n'était pas que porte-parole, enfin, il faisait du lien dans sa communauté. La radio. Oui, il faisait notamment une radio communautaire. Et bon, d'ailleurs, on va parler de ça plus largement le 10 octobre. Venez. Lui, il a fondé une radio communautaire qui a fait beaucoup de liens dans sa communauté, qui a notamment été un moteur qui a permis de s'organiser contre ce projet qui allait les assoiffer alors qu'il était déjà en tension hydrique. Et voilà, et du coup, il est indigène nahuatl de Amilcingo, Morelos, et il fait partie du Congrès national indigène. Il a été assassiné le 20 février 2019. Parce qu'il défendait la terre et le territoire et parce qu'il s'est opposé au projet intégral de Morelos où toutes ces entreprises européennes sont impliquées. Donc on demande justice et punition pour les responsables matériels et intellectuels de ce crime et aussi l'annulation de ce projet du PIM. Et on dit on veut de l'eau, pas la thermoélectrique. C'était fait le 21 février 2025 par le Front des Peuples en Défense de la Terre et de l'Eau, Morelos, Puebla et Tlaxcala. Merci. Aguasi! Termono! Aguasi! Termono! Aguasi! Termono! Aguasi! Termono! Samir vive! La lucha sigue! Samir vive y vive! La lucha sigue, sigue! Ça, 6.3 FPP, donc c'est la jungle des luttes. On vient d'écouter l'événement lié à l'inauguration du buste de Samir Vive. Merci de nous avoir écoutés. Donc avant qu'on se quitte, vous avez peut-être entendu dans la dernière intervention, on parlait du 11-12 octobre. Donc effectivement, il va y avoir à la parole errante le 11-12 octobre. 12 octobre étant une date importante et symbolique qu'on peut intituler comme étant la dignité des peuples autochtones. Et donc ce 12 octobre, on va le 11-12, on va le célébrer avec le CSIA, le Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, qui donc lui a toujours ce comité, cette date comme référence et organise en général de très belles rencontres avec des représentants, des délégués autochtones, souvent plutôt d'Amérique du Nord ou bien éventuellement également de Guyane ou de Kanaky. Ils ont des liens très proches avec un certain nombre de personnes et de communautés en résistance là-bas sur place. Donc en général, ils ont des invités. Et donc nous, on voudrait partager avec eux cet événement à la parole errante pour pouvoir aussi justement avoir ce plateau radio qui était programmé donc dernièrement, puisqu'on parlait des radios communautaires et de la radio comme un outil de résistance, une arme. Puisque justement, comme une radio associative ou communautaire, elle permet de donner la parole à des personnes qui n'ont pas accès à ces grands médias et donc de diffuser de l'information au plus proche du terrain, des gens qui vivent et donc des informations sans doute beaucoup plus proches de ce que c'est en réalité. Et donc du coup, ça sera le 11 et 12 à la parole errante le samedi et sans doute en soirée, un début de soirée. Et puis donc le dimanche également, on aura des projections et on aura des tables de presse et des diffusions aussi de films probablement. Et donc ben voilà un programme, on vous en parlera plus en détail, mais vous pouvez déjà noter donc le couscous climat à Saint-Denis le 27. Le 4 octobre, entre-temps, il y aura la journée distribution café au CICP, donc le café Zapatiste. Si vous n'avez pas fait de commande, ben vous pourrez venir en acheter sur place. le 4 octobre au CICP. Donc, on se reverra encore également le 11 et le 12 octobre à la Parole Errante. Si vous le voulez bien, on se quitte. Donc, vous pouvez nous réécouter le 4e jeudi du mois de 8h à 9h30. Au mois d'août, désolé, on ne va pas avoir de programme à vous proposer. On fera une rediffusion et on se retrouve donc 3e lundi de septembre en direct à 19h. Merci à Malo, à Boris et à Chiquita, à la technique. Gracias. Cuídense. Yeah, see me.